je m'appelle Oyana et maintenant j'habite à Hondarribi, à Fontarabie. Et là-bas, j'ai mon logement où je dors et je mange. Mais à part ça, ma vie, je la fais à Irun, où j'ai tous mes amis et où je fais aussi mon travail social et mes relations. Tout se font à Irun. Et après, j'ai la maison familiale où habitent mon père et ma mère à Urugne. Que suppose la frontière pour vous ? La frontière est comme ça, jour à jour, pour moi, c'est un voyage en voiture. Passer de Irun à Hendaye pour aller au bien chez ma mère ou retourner à Irun. Bon, je passe la frontière régulièrement jour le jour et pour moi c'est une route où quelquefois il y a des contrôles policiers, mais c'est plus une route que qu'autre chose. Je sens le jour et c'est pour moi, c'est mon milieu naturel, bien Irun comme Fontarabie, comme Irun. Donc, c'est normal, passer, pour moi, c'est la même zone, c'est les mêmes gens. Donc, c'est ça, seulement, une route. Y a-t-il des difficultés liées à vivre dans une zone frontalière ? La frontière suppose quelquefois des contrôles policiers, donc ça te fait te souvenir, non, d'où tu es en train de vivre, qu'est-ce que sont les mouvements que tu fais. Et bon, c'est chiant, on pourrait le dire comme ça, de te trouver presque tous les jours avec un contrôle policier, bien de la police espagnole comme de la française. À part ça aussi, c'est des difficultés à niveau institutionnel pour les papiers, parce que moi j'ai la double nationalité, comme ma mère était française et mon père espagnol entre guillemets, j'ai les deux nationalités. Et le mouvement, quand on a fait le mouvement de maison d'Hondarribi à Urugne, et le changement des papiers a été horrible, tout plein de, je sais pas, trop de papiers, trop de difficultés. Parce que comme je disais, moi je le vis comme une zone où toutes les personnes nous sentons qu'on est voisins, on est de la même zone. Et même comme ça, je dois aller à le consulat espagnol à Bayonne pour faire mes papiers quand Irun, Hendaye, Fontarabie sont à côté de l'autre. Y a-t-il des avantages liés à vivre dans une zone frontalière ? Oui, il y a des avantages. Et bon, maintenant, le seul truc qui me vient à la tête, c'est des avantages politiques. Pas pour moi, mais pour des gens que j'ai connus, comme les jeunes de Ségui qui ont dû aller à Izpur à faire ils ont dû échapper du Pays basque espagnol et ils se sont réfugiés au Pays basque français parce que politiquement, en ce moment, il y a encore quelques mouvements politiques au Pays basque espagnol qui sont illégalisés et au Pays basque français non. Y a-t-il des différences culturelles ou sociales d'un côté et de l'autre de la frontière ? Donc culturellement, oui, je vois des différences, mais plus dans les gens qui ont une culture plus nationale espagnole ou française, dans les gens qui ont une culture et des traditions basques, même si dans les horaires et on peut voir quelques changements. Je dirais qu'en général, oui, c'est presque pareil. Mais par exemple, un autre truc culturel intéressant, je crois que c'est le basque. comment il change, non? D'Hendaï à Hondarribi, le basque, le euskalki, il est différent. Le dialecte du basque qui se parle peut-être Hendaï-Urugne ou bien à Donibane-Garazi est complètement différent à ce qui se parle ici. Pouvez-vous citer des projets ou des associations qui travaillent dans une perspective transfrontalière? Un des points négatifs, par exemple, aussi que je crois, c'est, par exemple, à Irun, quand on essaye de faire quelque chose, on peut le faire plus ressemblant à Hondarribi ou à Donosti, et on n'a pas encore la capacité de pouvoir faire quelque chose ensemble. Non, par exemple, le mouvement féministe à Hendaï et à Irun n'est pas pareil. Les pétitions ne sont pas pareilles parce que l'administration n'est pas la même, non? Mais après aussi, il y a quelques mouvements et comme et CIMAD qui travaille un peu, non? Et l'immigration et les problèmes frontaliers qu'il y a. Mais bon, je crois que c'est aussi un peu plus le point de vue d'Hendaï, mais à la fin, travail pour les gens qui passent d'un côté à l'autre, il faut un travail très important. Pouvez-vous citer un événement, un lieu ou un jour particulièrement transfrontalier? Par exemple, Corrica, AECA, pour le mouvement pour enseigner le basque, chaque 2 ans on fait une Corrica, c'est une marche en courant qui se fait par tout le Pays basque. Et il y a des moments que tout le monde on a dans notre mémoire, non? Les moments où passe la frontière sont super jolis. Je crois que c'est très significatif pour nous, non? Ces moments où on casse la frontière pour le basque.